la saga, c'est la saga, c'est la saga des C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 479. C'est comme couvre-feu, toujours pas le droit d'aller à la radio. On essaie de trouver un stratagème qui conviendrait peut-être à vous, qui ne changerait pas grand-chose pour moi, mais savoir si on a l'autorisation de la radio et si, si c'est faisable techniquement, à savoir on fournirait nos podcasts et eux le mettraient dans l'ordinateur de la radio, comme ça plus de monde pourrait écouter via la radio. Mais ça nécessite de la bonne volonté, ça nécessite que les techniciens de là-bas puissent le faire et le temps de le faire, et ça c'est pas sûr. Bon, alors pour l'instant on continue comme ça. Vous avez ouvert le podcast à 20h et vous êtes sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, et comme ça voilà, on peut faire la radio ensemble, légèrement différemment. Bah de manière confinée quasiment, hein, de manière avec couvre-feu, voilà. Je fais ça depuis chez moi. L'album de la semaine, j'en ai eu envie depuis la semaine dernière quand je vous ai présenté George dans les deux versions, la version avec Spector et la version sans Spector. C'est donc All Things Will Pass. On écoutera My Sweet Lord. On écoutera I Live For You, I'd Have You Anytime, Isn't It a Pity, Beware of Darkness et Hear Me Lord. Il y aura aussi du Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Ringo Starr, ce sera Ouh oui sur Goodnight Vienna en 74. Jealous Guy sera chanté par John Lennon sur l'album Imagine. Et Paul McCartney nous chantera Junk, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté celle-ci, sur l'album McCartney de 1970. Quant aux Beatles, ce sera en live. Je crois que j'ai pris tous les Beatles au même endroit sur le live. Je regarde. Le live at the Hollywood Bowl, oui. Parce que j'avais envie. Donc ce sera sur le live at the Hollywood Bowl, sorti en 2016, décrassé avec toujours du public, mais moins fort. Et on verra d'ailleurs que les Beatles chantaient juste, même s'ils ne s'entendaient quasiment pas. Voilà, c'est déjà la fin du générique. Donc la première chanson, c'était obligatoire. Le premier grand succès, celui qui a surpris tout le monde, parce qu'on attendait John et Paul. Et c'est George qui va marquer le premier succès des post-Beatles. C'est My Sweet Lord. Bonne soirée à l'écoute de La Saga des Fab Four, numéro 479. Sweet Lord. rappelle, mais vous êtes au courant que cette chanson procède jusqu'en 1976 parce que ça ressemblait au titre des Chiffons qui était « It's so fine, doula, doula, doula ». Ça avait le même air. Et il a gagné dans le sens que c'est soi-disant un plagiat inconscient. Je ne sais pas trop comment on peut faire un plagiat inconscient, mais n'étant pas créateur de musique, admettons. Et de toute façon, c'est une très belle chanson. sky. Watch out, I'm just a jealous guy. Look at me, I'm just a jealous guy. Alors, autant la chanson My Sweet Lord était soi-disant un plagiat de He's So Fine, autant Jealous Guy, on pourrait dire c'est un auto-plagiat de la chanson Child of Nature de John Lennon en 68, sauf que il n'a jamais sorti cette chanson en 1968. Il l'a gardée pour lui, et en 1971, au moment de l'album Imagine, il s'est dit qu'il pouvait reprendre le même air, mais changer complètement la signification, changer complètement les paroles, et était venue cette très belle chanson. Pourquoi il n'a pas chanté Child of Nature en 1968 ? Parce que ça ressemblait quand même pas mal dans le thème à Mother Nature's Son par son copain Paul. Alors ils n'ont pas voulu faire deux fois la même chanson. Voilà. C'était gentil quand même. Tiens, puisqu'on parle de Paul, le voici. Junk en 1970. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Thank you, folks. The next song we're gonna sing. Ben, on verra ça plus tard. Elles avaient de la voix, les filles, à cette époque-là, dans les années 60. Parce que figurez-vous que si vous aviez l'enregistrement d'origine, on entend beaucoup moins les voix. C'est presque un miracle. Vu en plus le niveau de watts que pouvaient sortir les instruments, enfin les amplificateurs à l'époque, c'est un miracle qu'ils chantent juste et qu'ils arrivent à chanter ensemble. Il paraît qu'ils se basaient sur Ringo. Ringo se basait sur le guitariste d'à côté, etc. Pas évident, pas évident. Nous avons écouté tour à tour du Harrison, du Starr, du Lennon et du McCartney. Lorsqu'on met les quatre ensemble, ça donne les Beatles. C'est ce qu'on vient d'entendre aussi. Je me rends compte que je suis en retard, mais c'est pas grave. Donc ce sera juste après, ce sera l'album de la semaine. Mais avant l'album de la semaine, il faut que je vous parle de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les Fab Four. Ouais, c'était facile de vous cacher que j'allais passer Wawa, parce qu'on l'a écouté deux fois la semaine dernière, ça fera trois avec celle-ci. Mais elle est trop bien, on ne peut pas passer à côté. Wawa, plein pot, montez le son, c'est la saga des Fab Four, c'est votre émission. Wow. 90.7, la radio des Beatles. I'd like to do a song now from the first film we made. And it was in black. It was the one that we made in black and white. We've only made two. One was black and white, and one was coloured. Well, this is the black and white one. And it's a title song from the film. La la la. Great. And it's called Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get on to you, by the things that you do, make me feel all right. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it. Thank you very much, everybody. We'd like to do another film song now, but from a different film, because we've made two, you know. Who's that man on the right? Go away with that light, will you? Oh, thank you. It's also our latest record over here. That means it's a new single. And it's a nice little ditty called Help. Get my feet back on the ground. quel bordel, les filles. Good. Thank you. Gageons peut-être que lorsqu'on pourra de nouveau retourner en concert, eh bien, on aura, les filles en tout cas, parce que nous les garçons, on sait se tenir, les filles seront tentées de re-hurler, alors que jusqu'à ces dernières années, peut-être qu'elles étaient un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire ? On a énormément d'informations, maintenant on a les concerts quand on veut, etc. Donc là, comme ça nous manque, peut-être qu'on fera un peu plus de « waouh !» Mais pas à ce point-là quand même, oh non, pas à ce point-là. Hey, hey, hey. C'est John Lennon dans la saga des Fab Four avec Intuition en 73 sur l'album Mind Games. Hey, hey, hey. Alright, my intentions are good. I use my intuition, it takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions, it seemed like suicide. I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine, I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed or no suspicion, it's good to be alive. And when I'm deep down and out and lose communication with nothing left to say, it's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Intuition takes me anywhere. Takes me anywhere. Intuition takes me there. très belle chanson de Ringo Starr sur l'album Rotogravure en 1976. Et curieusement, je dis curieusement parce que je trouve que ça ne ressemble pas au style de son pote. C'est George Harrison qui lui a écrit cette chanson. Et c'est une belle chanson qui m'émeut. Et voilà. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est All Things Must Pass, sorti en 1970. Un triple album. Double vinyle avec des chansons, et le troisième vinyle, c'était des jam sessions faites comme ça pendant l'enregistrement. C'est pas mal, je dois avouer que c'est quelque chose que j'écoute peu, voire pas, mais au moins toutes les chansons qu'il y a sur les vinyles, et même les CD d'ailleurs, ce sont vraiment de très très bonnes chansons. Aucun reproche pour cet album-là. Une chanson qui n'avait pas était retenu, peut-être faute de place, et qui est revenu sur l'album All Things Must Pass lors de sa réédition en l'an 2000, c'est I Live For You, que je vous propose ce soir dans la saga des Fab Four. Cette émission sur les Beatles, la numéro 478 ou 19, 479, c'est pour couvre-feu. Elle est enregistrée à la maison. All alone in this world. Not a care for this world, have I? Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true. I live for you. Not a thing in this world. From all that has grown. In this darkness I wait for the day. Yes, it's true.

Je ris d'avance. Paul McCartney a su utiliser la voix de Linda mieux que John Lennon par rapport à sa femme. Il faut dire déjà aussi que la voix de Linda est déjà plus agréable que celle de Yoko Ono, mais il a su la mixer, la mettre dans les chœurs, la faire ce qu'il fallait quoi, pour que ce soit bien, ce que n'a pas su faire John Lennon là-dessus. Voilà. Et en principe, j'aurais dû faire avec bruit de tonnerre, magnifique, etc. Non, je suis pas dingue, je suis à la maison, il est tard, donc j'enregistre. Et parce que j'ai repoussé au lendemain, donc il est tard, je ne vous dis pas quelle heure il est. Et je vous laisse en compagnie des Beatles deux fois, Roll Over Beethoven et Boys, mais en live. Hey! Thank you. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Pas sur cette chanson-là, quand va-t-on le dire ? Quelle voix rock'n'roll il avait, John Lennon. Vraiment, j'adore ce morceau, j'adore la façon dans laquelle il hurle, parce qu'il hurle vraiment, et c'est bien, parce qu'il hurle, il dit « tu sais pas ce que tu as tant que tu l'as pas perdu ». Et oui, bah, c'est vrai, quelquefois on perd des choses ou des gens qu'on n'aurait pas aimé perdre. Enfin bon. On va se remonter le moral avec l'extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est All Things Must Pass, sorti en 1970. Et le titre du morceau, c'est le premier de l'album, je crois. C'est I'd Have You Anytime. George Harrison sur RIG. Enfin, sur RIG, vous me comprenez. En principe, c'est la radio qui émet la saga des Fab Four le mercredi entre 20h et 22h sur 90.7 ou sur www.rigfm.fr. Mais là, quand on est en couvre-feu, eh bien, je fais la radio depuis chez moi et je vous le propose sur Facebook et on commente sur la page Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. On essaie de trouver une solution, mais pour l'instant, c'est comme ça. Been here, let me into your heart. Et nous arrivons à La Cover. La Cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après, en solo, et même si eux-mêmes, John, Paul, Ringo, George, chantaient à ce moment-là une reprise de quelqu'un d'autre. Genre, par exemple, Little Richard, ou Chuck Berry, ou qui vous voulez. Par exemple, en 1981, George Harrison a chanté Baltimore Orioles. Ce n'est pas une chanson à lui, c'est une chanson de quelqu'un d'autre. Bref, La Cover, c'est quelqu'un d'autre qui reprend une chanson que eux quatre ont chantée. Et aujourd'hui, c'est un groupe de filles, les Mona Lisa Twins, qui nous reprennent dans l'album Mona Lisa Twins Play Beatles and More, nous reprennent la chanson While My Guitar Gently Weeps. C'est une très belle version. I'm ne sais plus si je vous ai dit que l'album datait de 2014, donc George Harrison n'a pas pu entendre cette chanson. C'est bien dommage, parce qu'à mon avis, il aurait apprécié. Elle chante bien, elle rend fidèlement hommage à la chanson, et c'est bien. La chanson suivante, c'est, vous savez, les fils d'eux, les ressemblants à, les personnes qui ont travaillé avec, ou des choses comme ça. Et bien là, c'est un ressemblant à. Dans les années 80, le groupe allemand qui s'appelle Freiheit, qui en principe chante en allemand, là nous a fait un single de deux titres et qui est fait en anglais. Et ça date de 1988. Je vous propose une chanson que, à l'époque, j'ai vraiment cru que c'était Paul McCartney, mais c'est le groupe Freiheit. Keeping the Dream Alive dans la saga des Fab Four. We have to try, no need to hide. doit en exister d'autres, hein, des chansons comme ça, puisque, rappelez-vous, en 1974, si je me souviens bien, c'était Roger Glover qui nous avait chanté la chanson « Love is all, well, love is all, at the butterfly ball », etc. Et ça, ça sonnait furieusement « Beatles ». Donc voilà, c'est tout, c'est la saga. C'est la saga. Everybody's talking, and no one says a word. Everybody's making love, and no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. And no one makes a move. Well, everybody's a winner. I've nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Cette chanson, en 1973, ma sœur, qui est plus âgée que moi, me disait « McCartney fait du Lennon ». C'est vrai qu'il reprend les gimmicks de John Lennon. Écoutez, « Let me roll it » dans la saga des Fab Four. Imaginez que ce soit John. Thank you. riff de guitare, la voix avec de la réverbération, et puis à la fin, le cri de Janov, vous savez, à la John Lennon. Oui, c'est vrai, Paul McCartney est un caméléon, il sait imiter le style de n'importe qui, et même de son pote John Lennon. Je vous propose le retour à l'album de la semaine avec un petit plus. Je vous ai trouvé sur la compile Let It Roll, Songs of George Harrison, donc qui est une compilation des meilleurs de George Harrison, la démo de Isn't It a Pity. Donc je vous propose Isn't It a Pity, la démo, et après la chanson Isn't It a Pity, celle de l'album de 1970, All Things Must Pass. Un tel album, une telle chanson méritait qu'on l'écoute une fois et demie, parce que la démo est plus courte. Spector est derrière les platines, si on dit, à la commande, si vous voulez, et il va rajouter du son et encore du son, et ça va donner Isn't It a Pity, la version phénoménale de l'album. Montez le son, j'adore. Each other pain. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with the Regale. Waiting. Can't you see me? I'm waiting.

quelle énergie en concert. Je vous l'ai dit, tous les lives, enfin tous les Beatles sont en live dans cette saga des Fab Four, juste parce que j'ai décidé que ce serait comme ça, que ça me ferait plaisir d'avoir les Beatles en live. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en entendra d'autres, un de ces quatre. Ringo Starr, en 1981, sur l'album Stop and Smell the Roses, nous chantait « You Belong to Me ». The pyramids across the Nile, see the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the jungle when it's wet with rain, see the ocean from a silver plain. Just remember till you're home again. La résurrection, on va dire, de Ringo Starr à partir de 1981 et de cet album Stop and Smell the Roses. Parce que même si... il a été très bon jusqu'en 1974. De 75 à 81, les albums sont plutôt faibles. Et à partir de 81, écoutez, cet album-là, il est très bon, sauf deux chansons. Curieusement, Drumming is My Madness, que je vous ferai peut-être écouter un jour, qui est une... C'est pas bien. Alors que Drumming aurait pu le faire très très bien, puisque c'est un batteur et que tout le monde l'aime comme ça. Et l'autre, c'est la chanson éponyme Stop and Smell the Roses, qui est nulle. Les autres chansons sont vraiment très très très bien. Et ça, c'est l'album de la semaine, Beware of Darkness, George Harrison, sur l'album All Things Must Pass, dans la saga des Fab Four. Watch out now, take a you Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, well, this song is called A Ticket to Ride. Vous savez quoi ? Je viens de penser au début de l'émission, si vous repassez l'enregistrement, je vous dis, je vous ai caché qu'on passe Wawa parce qu'on l'a passé deux fois la semaine dernière. Non, non, non, non, non. On ne l'a pas passé deux fois la semaine dernière, c'est l'émission que je suis en train d'enregistrer. Mais comme je l'ai préparé la semaine dernière, et que c'est, voilà, quelquefois je prépare l'émission en amont et je l'enregistre plus tard, eh bien, j'ai cru que la part échappée, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez, le couvre-feu ? On perd la tête un petit peu. Alors comme je ne peux pas le rattraper en post-production parce que ça n'aurait pas de sens, je vous dis là, je fais mon mea culpa en disant « Oui, ben, on n'a pas écouté deux fois la semaine dernière. Non, non, non, c'est une erreur. On écoute une seule fois. Allez, on laisse tomber. » C'est Paul McCartney, en single, s'il vous plaît, en 1975. La chanson s'appelle « Letting Go ». Vous écoutez La Saga des Fab Four, la numéro 479C, c'est pour couvre-feu, c'est le home recording numéro 20. Le 45 tours est plus court, ça se termine là, alors que ça continue encore lorsqu'il s'agit du 33 tours. Moi, ça passe vite la saga des Fab Four, c'est presque terminé. Il reste encore le temps d'écouter une fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est All Things Must Pass de George Harrison, et le morceau c'est Hear Me Lord dans la saga. Thank you. Que n'auraient sans doute pas renié les Beatles en leur temps. Je trouve que c'est Beatlesque, cette chanson-là, j'aime bien. Allez, on termine l'émission avec deux lives. She's a Woman, par les Beatles à The Hollywood Bowl, et Wawa, par George Harrison, au concert, parce que ça le mérite. Concert pour le Bangladesh, je précise. I love sais, vous vous dites, ça aurait bien duré plus longtemps, ça m'aurait fait plaisir si ça avait duré plus longtemps. Ouais, je pourrais, ouais, mais autant se retrouver la semaine prochaine, ce sera bien aussi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve, tant que le gouvernement ne dit pas autre chose, on se retrouve en podcast la semaine prochaine, sinon à la radio, j'espère que ça arrivera. À très très bientôt, bonne soirée, bonne journée, bon tout ce que vous voulez, et surtout couvrez-vous parce qu'il ne fait pas très très très chaud. Salut !